disparaît. Évanescence papillonnaire, on baisait pas ni assez bas. Jolie cannelle, que pourri personne peut que l'air. Pour en sous. Tout ce que j'ai ou laissé la capleure, mango qu'a fleuri, la vie a douce chair, ou jusqu'à sourire, mais c'est pas pour toujours. L'amour c'est un bon soupe, s'habitant. Les premiers tuyaux trop chauds, mais les derniers c'est en l'empagaille. Et la sioca toujours trop frais dès la naissance. Papillonnaise, on baisait pas ni à ses barons. Jolie cannelle, que pourri personne peut que l'air pour en sous. Tu laisses la capleure, mango capleure, la vie a douce chair, ou jusqu'à sourire, mais c'est pas pour toujours. Yeah.